j'avais. C'est un chien comme ça quand t'étais gosse. Tu jouais à la baballe avec lui. Et ça te plaît, puis lancer un bâton pour qu'il te le ramène. Ouais. J'en étais sûr. Ivry, Gdansk, Eindhoven, Ottawa, Nuremberg, Panama, Islamabad, Georgetown, Elbasan, Osaka, Nagasaki, Paro, Iquique, Gaza, Edmonton, Orléans, Novosibirsk, Porto Alegre, Izmir, Gotham City, Épinal, Ouagadougou, Namur, Puerto Rico, Inverness, Guingamp, Évry-Courcouronne, Oran, New Delhi. C'est le Yorkshire de ma concierge. Il y a un homme qui va le kidnapper si on ne fait rien. Comment ça, Yorkshire? Disons, ton chien est drôlement mignon. Comment il s'appelle, au fait? Scraps. Scraps. Tu permets que je le prenne? D'accord. Viens ici, Scraps. Je te sens nerveux. Détends-toi. S'enfonce encore plus dans la merde et personne ne fait rien pour empêcher ça. Et ça commence sérieusement à me gonfler. Thank you. only you could see what I've seen with your eyes. Tes yeux de vampire. Et regarde. Tu sais que j'adore ça. You left the star. It's on your eyes. Sure. If only you could see what I've seen with your eyes. Maintenant, il regarde. Maintenant, il regarde. Maintenant, il regarde. Maintenant, il regarde. Avec tes yeux. Moi, je vous aime, alors ça m'est égal. Par erreur, un automobiliste. Prise d'otage à Orly, prise d'otage aux Pays-Bas, où un commando sud-monégasque s'empare d'un train, bilan, 4 morts. Prise d'otage à Vienne, où sont réunis 10 ministres des pays membres de l'OPEP, sans compter les braquages de... Moi j'ai faim et je veux plus piquer dans les magasins. Violence de révolutionnaires exaltés, violence aussi entre Français. Violence. Le mois d'août brûle, enflamme la Corse. Violence. À Aleria, un commando de l'ARC, violence. L'action pour la renaissance de la Corse, violence. Occupe un domaine agricole appartenant violence. À un rapatrié d'Algérie. La violence police donne l'assaut, deux gendarmes mobiles sont tués. Moi j'ai faim et je veux plus piquer dans les magasins. Tant de souffrance. Souffrance. Violence. Souffrance. Violence. Pas de licenciement, maintien des avantages acquis, non-démantèlement de l'industrie française. Dans les affaires des prises d'otages, il n'y a pas de doctrine, c'est cas par cas, les problèmes sont décidés. Et puis, il y a les bombardements qui détruisent partiellement ou complètement. Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme. sans même y penser. Mes chers compatriotes, l'outre-mer, de l'étranger, nous venons de vivre un temps de grave inquiétude pour la nation. Il y a beaucoup de blessés parce que l'explosion a été très violente. On dit que le trou creusé par l'explosion était plus de 2 mètres de profondeur. Il est évident qu'il y a eu des personnes gravement blessées parce que les dégâts des éclats de vitres ont causé de nombreux dégâts. Ainsi, cette fin de décennie sera celle de danger.